Glasgow, 18 décembre 2003. J'ai fait un rêve que j'étais avec ma mère en train de marcher dans la rue. Tout à coup, en croisant la rue à pied, une voiture est passée avec une vieille amie à elle, une blonde, une femme indulgente de société. Ma mère la salua. Elle lui répondit à peine avec indifférence. C'était assez impressionnant. Je fis le commentaire à ma mère de ce genre de femme qui te voit sans ta voiture traverser la rue à pied et qui se porte indifférente. C'était la nuit. On continuait à marcher et je voyais ma mère qui commençait à s'éloigner de moi. Elle était touchée par l'égoïsme de cette femme, sa vieille amie. Elle s'éloigna dans l'obscurité et je commençais à rentrer dans une expérience d'enfance, d'angoisse. Quelque chose de très fort se passa en moi. Je sentis l'abandon de ma mère. Une douleur d'enfance très forte. J'essaye de l'appeler, mais je n'ai plus de voix. Il n'y a pas un son qui sort de moi. J'essaye d'ouvrir la bouche avec mes mains, mais il n'y a rien qui sort. Dans le désespoir, j'essaye de faire sortir de ma bouche quelque chose. J'essaye avec toute mon âme, mais il n'y a rien qui sort. Derrière moi, il y a une femme qui s'approche envers moi en vitesse. J'ai peur. Je crois qu'elle va me faire du mal. Le manque d'espoir est de plus en plus grand. J'essaye d'appeler ma mère et un petit son est sorti de ma bouche. Ma mère s'approche et regarde cette femme en même temps qu'elle la tient par le cou. Je me disais que cette femme était une image de ma propre mère, mais ce n'est pas ça. Ce n'est rien. Je récupère subitement mon intégrité pour continuer à discuter avec ma mère comme de vrais amis. Parce que c'était ça avant, on était des copines. Et je lui parle de cette expérience comme un traumatisme que j'ai eu quand j'étais petite. Elle me répondit qu'elle a beaucoup fait pour moi. Chaque jour, elle me déposait à l'école à 7h et elle me ramassait à 9h. Et ça tous les jours. Comme si en plus il fallait que je la remercie. Je préfère faire la paix avec elle en lui disant que ce n'est pas grave. Au moins je peux être tranquille, d'être une fille gentille, qui lui laisse tout le temps pour elle. Ensuite, j'ai deux images qui me viennent en tête. La première est des longs poils noirs qui sortent de ma bouche et que j'enlève avec des pinces jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. La deuxième est une image d'une colline coupée en deux que je vois à distance en même temps que je demande à ma mère si on va aller acheter maintenant, faire des courses. Elle répond non. Automatiquement, je veux m'enfuir, partir en voyage en Inde, par exemple.